Une légende fatale par Ponson du Terrail. Chapitre 1er. Un soir de l'automne 1834, on causait au coin du feu en prenant le thé chez la jeune baronne de Danfrin. Madame de Danfrin était une veuve de 21 ans, encore en deuil, mais toute prête à se remarier au bout des 2 années de rigueur consacrées à pleurer le premier époux. Au reste, le choix était déjà fait. Madame de Danfrin devait épouser, en quittant ses lugubres vêtements, Monsieur Roger de Kéroir, naguère officier dans la garde royale. Après la mort du baron de Danfrin, le comte de Loiseret, son beau-père, avait quitté sa petite ville de province pour venir chaperonner la jeune veuve durant son deuil, et depuis ce temps, les 6 premiers mois écoulés dans la solitude la plus complète, la baronne avait rouvert son salon à quelques amis de son mari et de son père, un petit nombre de femmes d'esprit, et un plus petit nombre encore de jeunes gens, de ceux à qui le nouveau régime avait fermé toutes les portes et qui, brisant leur épée ou déchirant leur toge, devinrent la souche mère de cette jeunesse oisive et brillante qui s'appela la jeunesse dorée pendant 18 ans. De ce nombre était le vicomte Roger de Kéroir, beau, portant au front une légère cicatrice, glorieux souvenir de sa belle conduite pendant les désastreuses journées de juillet, tout jeune, spirituel, il avait raisonnablement tout ce qui peut et doit tourner la tête à une femme de 20 ans, veuve d'un mari qui en avait plus de 50. Roger était fils unique, riche, aimé. La baronne était belle, libre, adorée déjà. C'était un mariage d'amour, autant qu'un mariage de convenance. Le contrat devait être signé, et le mariage conclu 8 jours après l'expiration du deuil de la baronne. Et il y avait 22 mois et demi que M. de Danfrin était mort. En attendant, les futurs époux se voyaient chaque jour. Roger de Kéroir arrivait tous les soirs à 9 heures, s'asseyait à côté de la veuve, à l'angle gauche de la grande cheminée, et l'un et l'autre s'abandonnaient sans réserve à cette causerie charmante dont l'amour emprunte le manteau lorsqu'il est tempéré par le respect et les lois rigides du monde. À 10 heures, M. de Loiseret et la douairière de Langerin, tante de la baronne, avaient terminé leur partie d'échecs. Les groupes épars du salon se rapprochaient et formaient bientôt un cercle autour de Madame de Danfrin, dont, par discrétion, on avait tout d'abord respecté le tête-à-tête. Alors on causait. Très souvent, un des hôtes de la baronne se plaçait au centre de l'auditoire et contait une anecdote, et chacun à son tour s'exécutait de la meilleure grâce du monde. Or, ce soir-là, le rôle de conteur revenait à Roger. « Il est une tradition assez étrange à créditer sur les bords de la Loire, dit-il, et cette tradition concerne ma famille. » Elle prétend que si un Kéroir, aîné ou fils unique, néglige de se marier avant l'âge de 25 ans, il mourra l'année suivante, et dans le premier cas, le fief passera au cadet. Dans le second, le nom s'éteindra. « Et sur quoi s'appuie cette tradition ? » demanda-t-on. « Sur la légende que je vais vous conter. » Roger de Kéroir s'adossa à la cheminée et commença au milieu d'un religieux silence. « Le protégé de Saint-Paul, légende. » Il était une fois, au temps des croisades, une châtelaine du nom d'Iseu de Kéroir. Ladite châtelaine s'était mariée fort jeune et portait les longs voiles de veuve depuis l'âge de 22 ans. Le sire de Kéroir était mort 5 années après ses noces, laissant un seul héritier placé sous le patronage influent de saint Paul. Or, à l'époque où commence mon récit, Paul de Kéroir avait 19 ans et sa mère 37. Paul était un charmant cavalier, un peu frêle, un peu timide, avec de grands yeux bleus, des cheveux blonds et bouclés, un duvet de pêche sur les joues, des mains et une taille de femme. Quand il passait à cheval dans la plaine, les grandes dames de la contrée, cachées derrière les ogives de leur castel, regrettaient les 20 ans qu'elles n'avaient plus, lui enviaient les 20 ans qu'il n'avait pas encore, et auraient fort souhaité d'être veuves, si le sablier de leur oratoire ne leur eût soufflé tout bas que les ailes du temps avaient creusé leur fond blanc de quelques rides légères. Quand il errait derrière les saules de la Loire, comme un mélancolique ange gardien à la recherche du pauvre mortel confié à sa garde et que Satan a égaré, les gentilles laveuses aux corsets de velours, les batelières aux cheveux nattés, les petites paysannes aux joues rosées qui fauchaient le chanvre sur la rive, sentaient battre leur jeune cœur et trouvaient que c'était bien dommage qu'il ne fût pas un humble vassal, au lieu d'être un riche seigneur. Mais hélas, nobles dames, laveuses, batelières et paysannes perdaient leur temps à soupirer. Il y avait à une lieue du manoir de Kéroir un autre manoir, penchant comme lui sur la Loire ses tours grises et moussues, et de même que le premier abritait un blond séraphin, il avait pour châtelaine une jeune fille de 15 ans, brune et blanche, avec des yeux noirs, brillants comme des lucioles, une peau d'albâtre, auprès de laquelle le marbre de l'archipel était gris et mal veiné. Cette jeune fille vivait seule avec son vieux père et n'avait point encore de mari. Les maris étaient fort rares à cette époque, pour deux raisons. D'abord, parce que Sa Majesté le roi de France, s'en allant batailler en Terre Sainte, avait emmené la fine fleur de sa bonne noblesse. Ensuite, parce que pour épouser une héritière comme Marguerite de Kerven, il fallait être un noble comte, ou tout au moins un vaillant chevalier à l'écusson pur de toute barre de bâtardise, aux vassaux nombreux et aux castels environnés de fossés profonds et de murailles épaisses. Donc, en attendant un mari, la jeune comtesse de Kerven s'en allait chaque jour, suivie d'un écuyer, au galop de sa hacknée, à travers monts, landes et bruyères, déchaperonnant ses gerfaux, ou jetant à ses grands lévriers gris une écharpe de soie qui lui rapportait fidèlement après avoir lutté d'agilité et de vitesse pour l'atteindre. Comme cela arrivait réellement alors, et comme cela arrive encore dans tous les romans aujourd'hui, le sire de Kerroir chevauchant, la comtesse de Kerven galopant, se rencontrèrent un certain jour et rougirent si fort qu'ils se saluèrent silencieusement et n'osèrent s'aborder. Le lendemain, le hasard, ce grand maître, fit si bien qu'ils se retrouvèrent au même endroit. Le jour d'après, le pâle froid de l'une et le destrier de l'autre broutèrent la même herbe, au bord du même sentier et derrière une haie d'aubépines en fleurs. Et cela se renouvela aux aurores et au coucher du soleil qui suivirent. Seulement, il serait fort difficile d'affirmer que le hasard eût conservé son rôle dans cette naïve comédie. Bref, ces deux jeunes cœurs, qui se sentaient attirés l'un vers l'autre, comprirent peu à peu que l'amitié de l'homme et de la femme n'est autre chose que de l'amour. Et comme Paul de Kerroir était riche et noble, la petite comtesse lui affirma que son père n'hésiterait pas le moins du monde à lui donner sa main s'il voulait bien la demander. Paul, je vous l'ai dit, était un peu timide, et il jugea prudent de laisser à sa mère le soin des négociations. Il s'en alla donc trouver la châtelaine, et non sans rougir et pâlir tour à tour, il lui avoua son penchant pour la fille du comte de Kerven. La noble châtelaine avait fait bien des désespoirs, lorsqu'elle n'était encore que damoiselle à marier. Sa beauté avait résisté aux injures du temps, et ses habits de deuil lui allaient à merveille. Les dames de la contrée prétendaient même qu'elle ne les portait plus que par coquetterie pure, et que le sire de Kerroir, son époux, avait dans son cœur une tombe aussi solidement fermée que son corps l'était lui-même sous le marbre noir de la chapelle mortuaire. Or, quoique jamais elle n'eût songé sérieusement à prendre un nouvel époux, la noble dame était un peu vaine de sa beauté, et trouvait que son fils grandissait beaucoup trop, et paraissait la vouloir pousser par les épaules vers cette antichambre de l'âge mûr que les poètes, Jean très courtois, ont surnommé la deuxième jeunesse. Aussi, grande fut sa stupéfaction, quand le jeune homme aux cheveux dorés qu'elle se plaisait à traiter comme un enfant, vint lui parler gravement de ses projets de mariage. À la stupéfaction succéda la colère. La châtelaine ne pouvait se dissimuler qu'aux yeux de la foule malicieuse, les 19 ans de son fils portaient une rude atteinte au mûr éclat de sa beauté. Que serait-ce donc quand elle aurait auprès d'elle une bru de 15 ans, fraîche et rose, laquelle attendrait peu d'années pour peupler son manoir d'enfant blond et rieur, qui lui donnerait avec un respect plein d'ironie le nom malsonnant de grand-mère? À cette époque de courtoisie chevaleresque et de religieux respect pour la famille, un fils aurait préféré 1000 morts plutôt que de désobéir à sa mère. Madame de Kerroir n'avait donc à répondre à son fils qu'elle refusait une pareille alliance. Mais ce refus eût été pour lui une vive douleur, et l'était mère malgré sa coquetterie. Elle réfléchit donc que tôt ou tard il faudrait bien en passer par là, et que son obstination lui enlèverait le cœur de son enfant sans la mettre à l'abri d'une bru jeune et belle. En femme d'esprit qu'elle était, la châtelaine alla rendre visite au comte de Kerven, et au retour annonça à son fils qu'il épouserait Marguerite, mais dans quelques années, et lorsqu'il aurait, sur un champ de bataille, gagné ses éperons de chevalier et prouvé qu'il ne mentait point à son sang. La bonne dame fut si éloquente, si persuasive, si adroite, elle parla tant et si bien des hauts faits de la race des Kerroirs, des lauriers à conquérir sur le sol brûlant de la Palestine, que Paul, enthousiasmé, répondit qu'il était prêt à tout pour obtenir Marguerite, et que pour mériter sa main, il se sentait le courage de prendre d'assaut, à lui tout seul, Jérusalem, ses forts et ses redoutes. Et sur le champ, le jeune sire de Kéroar convoqua ses vassaux et ses hommes d'armes, fit sceller son cheval de bataille, baisa la main de sa fiancée, reçut à genoux la bénédiction maternelle et partit la lance haute et le cœur rempli d'une mâle ardeur. Quant à la châtelaine, rassurée par l'absence de ce témoin importun de ses 37 années, elle quitta ses habits de deuil et épousa 6 mois après un chevalier de noble et vieille race, d'une tournure martiale, mais fort pauvre, en sorte qu'il vint habiter le manoir de Kéroar et n'y apporta pour dot que son armure, des habits troués et un grand appétit. Ce chevalier avait 27 ans. Chapitre 2e. L'aventureux jeune homme débarqua, lui et ses hommes d'armes, sur la terre d'Égypte, 3 mois après son départ de Kéroar, et prit la route du camp des croisés, commandé par le roi de France, Louis, 7e du nom. Paul de Kéroar prouva partout que son sang était noble et bouillant. Le soleil ardent du désert bronza son visage et fit pousser sa barbe. Ses frêles mains blanches s'endurcirent au maniement de la hache d'armes, et en 3 années, le blond séraphin des rives de la Loire se trouva métamorphosé en un robuste et vaillant chevalier. Marguerite de Kerven en eût été fière. Si la dame de Kéroar eût envisagé cette haute stature, ce front bruni, cette barbe épaisse, plus que jamais elle se fût applaudie d'avoir écarté cette preuve vivante de sa quarantaine. Paul de Kéroar bataillait depuis 3 ans, lorsque le roi, rappelé en France par sa querelle conjugale avec Éléonore d'Aquitaine, qui brûlait de troquer sa couronne fleur-de-lysée contre celle d'Henri d'Angleterre, le roi, dis-je, rassembla ses preux et ses fidèles, et leva le siège de Damas, qu'il tenait bloqué depuis 6 mois, pour s'embarquer et revenir en Europe. Mais il laissa une arrière-garde chargée de tenir les Sarrasins en haleine, et Paul de Kéroar fut au nombre des barons et des chevaliers qui demeurèrent. Les croisés avaient essuyé bien des échecs, la peste les avait décimés. Ce fut pire encore lorsque le roi fut parti. Au bout d'une année, ils étaient 300 à peine, et dans un dernier combat qu'ils soutinrent avec l'acharnement du désespoir, 50 d'entre eux tombèrent au pouvoir des Sarrasins. Paul de Kéroar était du nombre. Le chevalier fut conduit à Tunis et vendu sur la place du marché aux esclaves. Il échut à un riche musulman, dont l'habitation était sur le bord de la mer et qu'il employa à la culture de ses jardins. Paul passait sur le rivage les courtes heures de son repos, levait les yeux vers l'horizon muet où ne couraient que des voiles ennemies, et se prenant à songer à son manoir, à sa mère et à sa fiancée, il pleurait. Il pleurait car l'image de la belle jeune fille était vivante dans son cœur, comme au jour de son départ, car il ne la reverrait probablement jamais, ni elle, ni le toit de ses pères, ni la châtelaine de Kéroar. Tout ce qui fait, en un mot, la vie douce et bonne, la famille et la patrie. Et chaque jour, en reprenant sa rude tâche, il se sentait plus faible et plus découragé. Et ce terrible mal du pays, compliqué du mal d'amour et de l'esclavage, le minait sourdement et le conduisait au tombeau. Enfin un jour, par une chaleur étouffante, se laissant tomber épuisé sur le sable brûlant, il crut qu'il allait mourir. Et se souvenant de ses jeunes et belles années, de Marguerite qui l'attendait sans doute encore, il murmura « Oh, je donnerais pour l'avoir une heure, une seule, toutes celles qui me restent peut-être, et avec elles mon salut éternel. » À peine avait-il achevé ces mots fatals, qu'une voix railleuse répondit « Soit, mon maître, j'accepte, et je veux être bon prince. Je t'accorde une journée tout entière, du lever au coucher du soleil. » Paul de Kéroar tressaillit, et se retournant, aperçut un petit vieillard sec et maigre, assis sur le sable et le contemplant d'un regard moqueur. « Oui, messire, » continua-t-il, « si tu veux m'engager la part de paradis sur ta foi de gentilhomme, tu verras Marguerite de Kerven et ta mère durant un jour plein. »« Qui êtes-vous donc ?» demanda le chevalier étonné. « Mon bon ami, » dit le vieillard, « Dieu me donne le nom d'ange déchu, et les hommes celui de Satan. Mais je m'appelle réellement Lucifer, bien que je n'ai pas d'extrait de baptême. »« Le diable ?» murmura Paul épouvanté. « Oh, jamais je ne signerai un tel pacte. Comme il te plaira. Mais tu vas mourir dans quelques heures. Mourir sans la revoir, pourquoi pas ?» Le chevalier hésita un moment. Un moment, l'enfer lui apparut avec ses flammes livides, ses rires étincelants, ses blasphèmes, et ce fouet aux lanières d'airain qui déchiquette la chair meurtrie des damnés. Mais après tout cela, il crut voir flotter dans les brumes une robe blanche et diaphane. Il lui sembla que l'air était imprégné de ce parfum pénétrant qu'exhale une jeune fille en courant sur les pelouses vertes, à travers les haies en fleurs du printemps. Un bruit vague apporta, comme un soupir, le nom de Marguerite à son oreille, et tendant la main à Satan. « J'accepte, » dit-il. « Foi de chevalier ? Sans doute. » « Alors, mon maître, » s'écria le diable, avec un rire sinistre, « sois satisfait, car tu m'appartiens pour l'éternité. » Et tout aussitôt, Lucifer prit le chevalier dans ses bras. Ses vêtements humains tombèrent, sa face de vieillard disparut, son œil s'enflamma, ses ailes repoussèrent, s'ouvrirent, et l'ange maudit prit son vol et s'élança dans l'espace, emportant sa victime. Pendant une heure qui lui parut un siècle, Paul se sentit entraîné dans un tourbillon de fumée, respirant l'haleine souffrée du diable, ne voyant rien et n'entendant que les rires sinistres de son terrible guide. Puis tout à coup, il ressentit une violente secousse, comme si Satan l'eût laissé tomber du haut des airs sur un rocher, ainsi que l'aigle fait du mouton qu'il tenait dans ses serres. Il ouvrit les yeux et fut fort étonné de se retrouver sur le bord de la Loire, à distance égale du Kerroir et de Kerven. Le soleil n'était point encore levé. L'aube glissait à l'horizon ses rayons d'argent. Les oiseaux s'éveillaient dans les arbres touffus. Les fleurs inclinaient leurs têtes chargées de rosée au souffle des brises matineuses. Un léger brouillard semblable à un voile de gaz flottait sur les eaux du fleuve. C'était une magnifique journée de printemps dont le damné allait jouir, comme on jouit de sa dernière pièce d'or. Et le diable, il faut l'avouer, s'était montré généreux, car il ne tenait qu'à lui d'accorder à sa proie un jour ténébreux, humide et froid, au lieu d'une journée printanière pleine de soleil, de fleurs et de parfums. Chapitre troisième. Il en est du veuvage comme de la liberté, on a grand peine à s'habituer à ce qui les suit l'un et l'autre. La dame de Kerroir, sa lune de miel écoutée, s'aperçut que son nouvel époux avait plus d'un défaut non mentionné dans les parchemins qu'on avait griffonnés lors de son mariage, et parmi ces défauts, elle plaça bientôt en première ligne, et par expérience, la volonté bien arrêtée d'être le maître. Défunt, le sire de Kerroir était un preux chevalier, mais le bruit courait, de son vivant, que dans son manoir il quittait le haubert et la lance pour les jupes et la quenouille. Madame de Kerroir avait donc toujours été l'unique arbitre de ses propres volontés. Aussi, quand le jeune chevalier auquel elle venait d'enchaîner le reste de sa vie quitta le sourire de l'amant pour la gravité froide du mari, la noble châtelaine recula-t-elle comme l'étalon sur le dos vierge duquel s'élance un hardi cavalier. Hélas, il était trop tard, et le joug était si bien forgé, si solidement assujetti, qu'elle courba la tête et laissa tomber le sceptre conjugal, emblème de l'autorité. Son époux dissipa une partie du patrimoine des Kerroirs, accabla les vassaux de taxes et de redevances, puis partit un certain jour pour un tournoi, où il fut tué d'un coup de lance. Madame de Kerroir était libre de nouveau, mais cette fois elle jugea prudent de garder pour toujours son indépendance de veuve, et se prit à souhaiter ardemment le retour du jeune chevalier. Pendant ses longues heures de souffrance, elle l'avait appelé tant de fois. Durant ses nuits d'insomnie, elle avait si souvent cru le voir soulever, comme un fantôme, les lourdes draperies de son lit, et lui reprocher sa mort, que la malheureuse femme, revenue au sentiment de l'amour maternel, priait nuit et jour dans son oratoire et invoquait tous les saints du paradis pour que Dieu lui rendît son fils. Et cependant sa beauté était inaltérable, et la 43e année allait sonner pour elle, sans que la moindre ride ternît la pureté de son front, sans que son œil eût perdu son éclat et son regard fascinateur. Le vieux comte de Kerven était mort. Elle avait fait venir Marguerite auprès d'elle, l'appelait sa fille, et ne redoutait plus en elle une rivale. Agenouillées chaque soir sur la dalle de la chapelle, les deux femmes imploraient le ciel et lui redemandaient le jeune croisé. Enfin, une nuit que, les yeux rouges de larmes, la pauvre châtelaine, les mains jointes dans son oratoire, adressait une prière fervente, une prière de mère à la Vierge, une grande clarté se fit autour d'elle, et un guerrier céleste, n'ayant sur le corps qu'une moitié de manteau, apparut debout devant son prie-Dieu. C'était saint Paul. « Femme, dit-il à la châtelaine, Dieu m'envoie te dire qu'il ne tient qu'à toi de revoir ton fils, mais à une condition. « Oh ! S'écria-t-elle, que je le voie une heure, une seule, que je le presse sur mon cœur, que je m'enivre de son regard, et puis prenez ma vie. « Non, dit le saint, c'est ce reste de beauté que Dieu te demande en échange, cette beauté fatale qui t'a fait éloigner ton fils. « Oh, monseigneur, murmura la mère, blanchissez mes cheveux, courbez ma taille, creusez mes joues et ridez mes mains, mais rendez-moi mon fils. Qu'il soit donc fait ainsi que tu le désires, dit le saint. Demain, au soleil levant, tu le reverras. » Et comme il achevait, la châtelaine sentit un frisson de glace parcourir son corps, figer son sang et bouleverser son cerveau. « Regarde !» lui dit alors l'apôtre en lui présentant un miroir d'acier qui illuminait son auréole céleste. La châtelaine jeta un coup d'œil sur son image et ne se reconnut pas. Elle avait les cheveux blancs, le corps en deux doubles, ses dents de perles n'existaient plus, et son visage, si blanc et si pur naguère, était luisant et jauni comme un vieux parchemin. Saint Paul ouvrit la fenêtre, et comme les saints ont des ailes du moment qu'ils sont au paradis, il s'envola et prit la route de l'Orient où il devait, par l'ordre de Dieu, aller chercher Paul de Kerroir et l'amener à sa mère. Mais en route, et non loin du manoir, il aperçut Satan qui fendait l'air à tire d'aile, tenant sa victime dans ses griffes. Cette rencontre inattendue bouleversa le diable, et il lâcha le chevalier, qui tomba lourdement sur le sol, où il se fût brisé le crâne si le saint, son patron, n'eût amorti la chute. Alors l'apôtre, apostrophant Belzébuth, lui demanda ce que cela signifiait et comment il osait accomplir des ordres que Dieu lui avait donnés à lui, saint Paul. Mais le diable, remis de son trouble, lui répondit « Ce n'est ni pour vous ni pour Dieu, mon maître, que je fais cette besogne, mais bien pour mon propre compte, car ce jeune homme m'a vendu son âme. » Et Satan, s'asseyant sur un petit nuage qui flottait auprès, raconta ce qui s'était passé entre lui et Paul de Kerroir et quel marché il avait ratifié. Le saint frémit, car le diable était parfaitement dans son droit. Mais tout aussitôt une idée lumineuse lui vint. « Satan, dit-il en lui montrant le chevalier encore étourdi de sa chute et se frottant les yeux, veux-tu faire un pari ?»« Deux, mon maître, si cela vous plaît. Regarde. » « Ce chevalier est juste à mi-chemin du château de sa mère et de celui de sa maîtresse. Où ira-t-il ? » ? « Chez sa maîtresse, par mes cornes. Il n'a pas assez de vertu pour sacrifier l'amour profane à l'amour filial. »« Eh bien, abstiens-toi de le conseiller. Je ferai de même. S'il prend le chemin de Kerven, je ne te disputerai ni sa vie ni son âme. Mais si, au contraire, il suit le sentier de Kerroir, tu m'en rendras l'une et l'autre. » « Oh, ricana Satan, n'ayez nulle crainte. Acceptes-tu le pari ? » « Sans doute, car il y gagnait d'avance. » Et l'enfer et le paradis représentés par Satan et saint Paul attendirent, immobiles sur les deux nuages qu'ils avaient enfourchés, que le pauvre chevalier décida la partie en perdant ou sauvant son âme. Le diable ricanait avec le sourire orgueilleusement modeste du triomphe. Saint Paul attendait avec anxiété. Mais tout à coup, l'hésitation du chevalier disparut, et tournant le dos à Kerven, il se dirigea d'un pas rapide vers Kerroir. L'apôtre poussa un cri de joie. L'ange maudit se mordit les lèvres, fit une affreuse grimace et reprit son vol, ivre de rage et de honte. Mais il avait éprouvé trop d'échecs depuis sa création pour qu'il se laissât abattre par une perte aussi minime. Il s'arrêta brusquement, attendit que saint Paul eût disparu dans les nuages, puis il s'élança comme l'éclair dans la direction de Kerroir, où il entra par une cheminée et s'alla cacher dans un panneau de boiserie d'où il pouvait voir la châtelaine dans son oratoire, à genoux et attendant que la promesse du saint s'accomplit. Chapitre 4e. À mesure que Paul approchait du manoir, il sentait son cœur tressaillir et briser sa poitrine, en même temps qu'une sueur brûlante perlait à son front. À la vue de ces lieux aimés, de ces prés fleuris, de ces arbres verts, de ces haies peuplées d'oisillons, à la vue de ces tours mélancoliques qui formaient la ceinture de son manoir, un monde de souvenirs bouleversait son cerveau et venait lui rappeler son enfance rieuse, sa rêveuse adolescence et ses fraîches amours. Comme il arrivait au pont-levis, le soleil se levait et dorait la flèche du beffroi. Le pauvre exilé franchit le seuil en courant, quoiqu'il fût bien là, traversa un monde de varlets et de soldats, qui étaient loin de le reconnaître sous ses haillons, gravit le large escalier de pierre et s'élança dans les corridors en appelant « Ma mère, ma mère !» À ce cri répondit un autre cri poussé par une voix chevrotante, et une petite vieille accourut de toute la vitesse de ses jambes débiles, les bras ouverts et les larmes aux yeux. Hélas, ce n'était plus la belle châtelaine. Mais Paul se précipita dans ses bras qu'on lui tendait, baisa tendrement ses cheveux de neige qu'il avait laissés d'un noir d'ébène, couvrit de caresses les mains ridées qui l'étreignaient, et pensa mourir de joie. La mère et le fils se tinrent longtemps embrassés, puis Paul s'écria « Et Marguerite, ma mère, où est-elle? M'aime-t-elle encore ?»« Marguerite est ici, » répondit la vieille en toussant. « Elle t'attend, mon enfant, je vais te conduire à son chevet. »« Ici, » fit le chevalier, « oh, merci !» Mais tout aussitôt son front s'assombrit, une pâleur livide se répandit sur son visage. « Allons vite, » dit-il d'une voix étouffée, « car je n'ai qu'un jour à vous donner à toutes deux. »« Que veux-tu dire ?» s'écria la châtelaine. « Je veux dire, » murmura Paul sourdement, « que j'ai vendu mon âme pour vous presser, allez-vous, sur mon cœur une fois encore, et que ce soir, au coucher du soleil, Satan la viendra prendre, car je suis damné. »« Damné ?» exclama la pauvre mère avec un cri étouffé, et s'affaissant sur elle-même comme un pin que déracine l'ouragan. « Damné ?» Mais Paul n'y prit garde, et il continua sa course au travers des corridors pour retrouver Marguerite, et la châtelaine, foudroyée par cette révélation, demeura immobile, inerte, presque folle. Ce fut alors que Satan, qui avait quitté la cachette et se tenait dans l'ombre, se montra et lui dit « Il est un moyen bien simple de racheter l'âme de ton fils. » La vieille recula, épouvantée, mais Satan reprit « Si tu le veux, ton fils ne sera pas damné. »« Si je le veux ?» s'éclata-t-elle. « Oh, que faut-il que je fasse pour fléchir la colère de Dieu ?» Ceci, fit gravement l'ange déchu, ne regarde nullement le Père éternel, mais moi qui suis le diable. L'âme de ton fils m'appartient, c'est ta faute. Donne-moi la tienne et je te la rends. Je perds au change car elle m'appartenait aux trois quarts, mais je suis bon diable et j'ai pitié des bonnes mères. Un sourire de joie passa sur la face ridée de la châtelaine. Oh, j'accepte, dit-elle. Satan, prends mon âme. Je souffrirai moins en songeant que mon fils est sauvé. Est-ce conclu ? Oui, dit la châtelaine. Alors signe ce traité. » Et le diable mit sous le nez de la vieille une plume et un parchemin qui exhalaient une affreuse odeur de brûlé. La pauvre mère signa, et Satan lui dit « Va rejoindre ton fils. Tu peux vivre jusqu'au coucher du soleil. À 7 heures, je viendrai te chercher. » Satan s'inclina tranquillement. À ces mots, mit le traité dans sa poche et se frotta les mains en disant « Allons, je n'ai pas perdu ma journée. Et pour une âme perdue, j'en ai une de retrouvée. » La châtelaine trouva son fils au pied de Marguerite, baisant ses mains avec délire et s'enivrant d'un bonheur qu'il croyait devoir durer toujours. La mère se taisant sur son dévouement sublime, le fils oubliant presque l'heure fatale, la jeune fille ignorant tout, passèrent ainsi la journée, les mains dans les mains, les yeux sur les yeux et les cœurs battant de la même pulsation. Mais au moment où le soleil, après avoir décliné rapidement, arrivait aux dernières limites de l'horizon, le chevalier et la vieille tressaillirent tous deux et fixèrent un regard éperdu sur l'astre majestueux, prêt à s'ensevelir dans un magnifique linceul de brume orangée et couleur de pourpre. Et suspendant leur haleine, immobiles, glacés, ils suivaient les dégradations de la lumière dans le ciel, comme si leur dernier soupir devait s'exhaler aussitôt que s'éteindrait le dernier rayon. En cet instant, le diable parut. « Chevalier, dit-il à Paul, ton âme ne m'appartient plus, mais ta mère m'a vendu la sienne. Femme, continua-t-il d'une voix stridente. « Le soleil est couché, il faut me suivre. » Mais comme la pauvre femme chancelait déjà à l'approche du souffle de la mort, une autre voix plus stridente et plus terrible que celle de l'ange maudit se fit entendre. « Satan » cria-t-elle, « cette âme n'est point à toi, car celle de Paul de Kéroir ne t'appartenait plus. Quand tu as fait signer à cette femme la rédemption de son fils au prix de sa damnation éternelle, cette femme vivra et ne te suivra point. » Cette voix, c'était celle de saint Paul, qui venait d'apparaître sur le seuil. « Femme, ajouta-t-il en se tournant vers la châtelaine, Dieu te pardonne ta faute en faveur de ton amour maternel, mais, afin que nul autre ne t'imite, il condamne tous ceux de ta postérité qui, destinés à perpétuer ton nom, ne se marieront point avant l'âge de 25 ans, à mourir dans l'année qui suivra. » Le diable s'enfuit en hurlant de rage, et le saint retourna prendre sa place au pied du trône de Jéhovah. Quant à Paul, il épousa le lendemain, anniversaire de sa 25e année, la belle Marguerite de Kerven. Et c'est pour cela, sans doute, acheva le narrateur, que je suis ici occupé à vous narrer cette véridique histoire. Et, demanda Madame de Danfrin quand Roger eut terminé, j'espère que jamais la prédiction de la légende ne s'est accomplie. Ma foi, répondit le jeune homme, que ce soit pur hasard ou volonté du ciel, la tradition était justifiée 2 fois. Allons donc, fit-on avec un murmure d'incrédulité. La première fois, ce fut à Marignan. cette fabuleuse bataille qu'on surnomma le combat des géants, et à laquelle François Ier, de chevaleresque mémoire, se prépara en dormant, tout cuirassé, sur l'affût d'un canon. Laurent de Kéroir, âgé de 26 ans, moins 2 mois, et encore célibataire, tomba frappé de 6 coups d'arquebuse. La seconde fois, c'était à la terrible affaire de Fontenay. René de Kéroir, lieutenant aux mousquetaires, reçut un boulet en pleine poitrine et fut emporté mort par son cheval épouvanté. Il avait 25 ans et 8 jours. Heureusement, l'un et l'autre avaient un frère puiné condamné au célibat et que cette mort obligea de se marier pour perpétuer le nom. « Ah ça !» fit la douairière de Langerin. « Quel âge avez-vous donc, monsieur de Kéroir ?»« 25 ans moins 2 mois, madame. »« C'est fort heureux, » répondit monsieur de Loiseret, « que le deuil de la baronne expire dans 6 semaines. Car si votre 25e année vous trouvez garçon, et que la fatale tradition s'accomplit, vous n'auriez pas même de frère pour continuer la race. »« En effet, » dit Roger, « je suis fils unique. » Et il jeta un tendre et respectueux regard à la veuve. « Bon, » fit-on de toutes parts, « compte que tout cela. »« Vous vous moquerez de moi, si vous voulez, » dit en riant Madame de Danfrin, « mais je crois aux traditions. » Les plus incrédules se contentèrent de sourire et tout le monde se retira. Madame de Danfrin rentra chez elle soucieuse, ne dormit pas de la nuit et fut agitée de 1000 folles terreurs. Le lendemain, à 8 heures, sa femme de chambre entra sans bruit et, la trouvant éveillée, lui dit que M. de Kéroir demandait à être introduit. « À 7 heures ? » s'écria la baronne. « Qu'y a-t-il donc, mon Dieu, qu'y a-t-il ? » Elle passa une robe de chambre, chaussa ses petits pieds de pantoufles, tendit les épaules à un mantelet et dit « Faites entrer, monsieur de Kéroir, dans mon boudoir, je vous suis. » Roger de Kéroir était en costume de voyage, une cravache à la main et le front soucieux. « Mon Dieu !» s'écria madame de Danfrin en entrant. « Qu'avez-vous donc, Roger ? Où allez-vous » « Ce que j'ai, » dit-il en lui baisant la main, « le souci du mystère. Où vais-je ? À Kéroir. Votre père serait-il malade ? Non, il se porte à merveille. Votre tante, en parfaite santé. Mais qu'est-ce donc alors ? Expliquez-vous. Impossible. Je n'y comprends absolument rien moi-même. Hier, en rentrant chez moi, j'ai trouvé Antoine, le vieux domestique de mon père, qui m'a remis le billet que voici. Lisez. » La baronne s'en empara et lut. « Mon fils. » Toute affaire mise de côté, tout projet interrompu, monté à cheval et venu ici à Franck Étrier, comte de Kéroir. Mais, exclama la baronne, votre domestique a dû vous dire, Antoine ne sait absolument rien. Mon père reçoit beaucoup de lettres depuis quelques jours. Il fait force visite à ses voisins, paraît successivement agité, mais ne dit mot. Mon Dieu, murmure la veuve. Chère âme, répondit Roger, ne craignez rien. Quelles que soient les volontés de mon père, ma vie est à vous et à toujours. « Votre vie, Roger ? Tenez, dans 2 mois, vous aurez 25 ans. Et si nous ne sommes unis, alors ?»« Bon, » fit le jeune homme, « allez-vous croire à ma légende ? Eh bien oui, j'y crois. J'avais un pressentiment de tout ce qui arrive, car je n'ai dormi de la nuit. »« Folle, » dit Roger. « Au reste, il faut 2 jours pour aller à Kéroir, autant pour en revenir, et j'ai grandement le temps. Ma plus vive douleur est cette séparation. Écrivez-moi à votre arrivée. » Avant de me déboter, soyez tranquille. Les futurs époux se firent de tendres adieux pleins de regrets et d'espérance. Mais Roger monta à cheval et prit au galop la route d'Angers. Chapitre 5e. Roger de Kéroir à Madame la Baronne de Danfrin, Kéroir, 1834. Cher ange, j'arrive. J'ai trouvé Kéroir comme je l'ai laissé au mois de juin de l'été dernier. Seulement les arbres du parc, dépouillés de leurs feuilles, craque avec un bruit lugubre sous l'effort de la bise d'automne. Les hirondelles sont parties, les prés sont brûlés par la gelée, et nos bords de la Loire sont tristes à fendre l'âme. J'ai trouvé mon père adossé, selon sa coutume, au chambranle de la grande cheminée du salon, autrefois la salle d'armes. Ma tante, mademoiselle de Kéroir, était enfouie dans sa bergère, au coin du feu, son chien Azor sur les pieds et son béguin à triple rang de dentelle sur la tête. Elle relisait, pour la 3e fois au moins, le sofa de feu Crébillon fils. Mon père était silencieux et sévère, avec son nez d'aigle et ses cheveux blancs taillés en brosse. Il m'a tendu silencieusement la main, m'a désigné un fauteuil, et a renvoyé les domestiques qui m'avaient annoncé, selon le vieil usage français, en déclinant mon titre et mon nom. Pendant ce temps, J'examinai involontairement les portraits de famille qui sont accrochés au mur du salon, et jamais peut-être je ne m'étais senti autant de respect pour ces graves et muets personnages, pages historiques rappelant tous les règnes par les costumes, depuis le haubert et le casque des croisés jusqu'aux habits rouges brodés d'or des mousquetaires du roi. Lorsque nous nous sommes trouvés seuls, tous trois, mon père s'est assis et m'a dit « Roger, vous êtes brave, je le sais. » C'est là un bien faible mérite quand on s'appelle Kerouar, ai-je répondu. Depuis un an que la catastrophe de juillet vous a fait entrer dans la vie civile, avez-vous changé de principe? Ah, mon père, je ne m'attendais point à l'injure d'un tel soupçon. C'est bien, m'a-t-il dit. En ce cas, le moment est venu de reprendre l'épée. Que voulez-vous dire, mon père? Que madame est en Vendée depuis 3 jours, que je suis l'un des chefs du soulèvement qui va s'opérer dans l'Ouest et que nous partons ce soir. C'est bien, ai-je répondu, je suis prêt. Alors le comte de Kerouar m'a demandé de vos nouvelles, m'a parlé de notre union prochaine et, quand malgré moi j'ai rappelé cette légende populaire qui pèse sur notre famille depuis 5 siècles, « Bon, » m'a-t-il dit, « vous avez 2 mois devant vous, et il ne nous en faut qu'un seul pour ouvrir les portes de Paris à Sa Majesté. Il est 2 heures, nous montons à cheval à la tombée de la nuit et nous gagnerons la Vendée au galop. Adieu, cher ange, ou plutôt au revoir. Je vous écrirai dès que je le pourrai. » C'est une périlleuse entreprise où nous allons jouer notre tête et le salut de notre cause. Mais quand on a votre amour au cœur et qu'on en tire l'épée pour son roi, la mort recule et la victoire prend sa place. Je couvre cette lettre de baisers. Roger de Kerouar. Chapitre 6e. Roger de Kerouar à Madame la Baronne de Danfrin, Vendée, novembre 1834. C'est brisé de fatigue, la main sur mon fusil, le ciel orageux pour plafond, une forêt pour lambris et un brossard pour pupitre, que je vous écris, cher ange. C'est pénible à dire, mais dans notre première rencontre, nous avons été broyés et accablés par le nombre. Nous nous sommes battus en lion. Mon père et moi sommes sains et saufs. Je mets mon âme tout entière dans votre cœur, et je le prononce à mi-voix, me disant que peut-être je vous reverrai bientôt. Adieu, Roger. Chapitre 5e. Un mois s'était écoulé depuis la réception de cette lettre, et Roger avait atteint sa 25e année. Madame de Danfrin, après avoir quitté ses habits de veuve et attendu son fiancé, commençait à se livrer à de folles terreurs. En dehors des dangers continuels qu'il courait, elle songeait sans cesse à cette fatale légende. Chaque jour, elle dévorait le numéro de la quotidienne qui donnait le chiffre des morts et leur nom. Celui de Roger n'était nulle part. Alors elle se reprenait à espérer. Le soir, ses terreurs revenaient jusqu'au lendemain, où elle lisait une ligne à peu près semblable. Après des prodiges de valeur, monsieur le comte de Kerouar et son fils se sont retirés sains et saufs. Mais un jour la quotidienne se tut, les lettres de Roger cessèrent. Et durant une semaine entière, la pauvre jeune femme fut en proie à une inquiétude sans égale. Enfin, un soir, on annonça « Monsieur de Kerouar ». La baronne poussa un cri de joie et se tourna vers la porte. Mais au lieu de Roger, c'était un vieillard grave et austère, vêtu de noir, qui vint à elle et lui baisa silencieusement la main, tandis qu'il lui tendait un mouchoir jaspé de sang et un anneau d'or en chassant une perle fine. À la vue de cette bague, celle qu'elle avait donnée à Roger, la pauvre femme jeta un cri de désespoir et tomba évanouie sur le parquet. Quand elle revint à elle, le comte était à son chevet. « Madame, dit-il, Roger est mort en brave gentilhomme, et si l'aspect d'une douleur plus grande peut adoucir une autre douleur, je vous dirai, regardez ce vieillard. Il a vu son vieux roi partir pour l'exil, son fils tomber à sa droite. Il descendra seul dans la tombe des Kerouar, qu'il fermera pour toujours sur tous et sur lui, car il n'a pas de rejeton. » Et le vieux gentilhomme, brisé enfin par la douleur, cacha sa tête dans ses mains et pleura. La légende avait achevé son œuvre. Le comte est mort dans l'année, et Madame de Danfrin, après avoir pleuré Roger pendant quelque temps, a fini par se remarier. Il n'y a que la douleur d'un père qui tue. Ainsi s'achève une légende fatale par Ponson du Terrail.